Ah merde, tu m'as la prendre. Dans les ténèbres, tremblant de tous mes membres, on aurait dit une âme errante qui a loupé son enterrement. Dans le rap, j'ai décidé d'être moi-même, fuck leur masque et l'image qu'ils se donnent. Je resterai hip-hop jusqu'à la mort, pas juste sur les réseaux, pas juste devant les fans, pas juste devant les autres, les potes et les groupies qui t'adorent. Ça t'adule par devant et par derrière, ça te fuck. Putain, quelle époque, ils ébordent ceux qui ouvrent les cieux. Quoi plus scandaleux que la révolte des gueux ou la retraite des vieux. Rappelle-toi du petit merdeux que j'étais tout seul au fond de la cour, au fond du trou, solo sans croc, juste mon sac. Maintenant des mecs assis sans bord me donnent plus force que mes soi-disant potes. Putain, quelle époque. Les prophètes dans son pays, ça fait 100 fois que je me le dis, que j'oublie tout ce côté toxique. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la droite. J'ai une grande gueule devant mon père, je ne lève pas la voix. Il parle de tuer, mais crois-moi la mort, il n'aimerait pas la voir. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la droite. J'ai une grande gueule devant mon père, je ne lève pas la voix. Il parle de tuer, mais crois-moi la mort, il n'aimerait pas la voir. Sinon quoi de neuf, moi que du vieux, vivement qu'on se barre de là. Demande à Prince si c'est l'oignon, si c'est des larmes de rage. Dehors il caille sa mère, le shit ça use, les années passent. Frère, on se refait pas après un faux départ. On oublie tout après trois vers, ça se bousille la santé. Les projets tombent à l'eau, la flemme, les fusils par centaines. Et moi je suis là sans l'être, je rappe mes peines face à sembler. Je fais les 100 pas à l'assommé, constate que le destin s'assombrit. J'ai moins la fougue de la vingtaine, plus trop les choux sur le rinté. Dis piche que je taffe mes synthèses, que je rate des punchs et skinté. La vie dis-moi est synthèse, pas toujours droit mais sincère. J'ai préféré prendre l'escalier, je te ferai signe si ça paye. Moi, j'ai bravé la tempête, les vents du nord et la banquise. Les ombres rongées, tous dérangés, si rares sont les sourires sans tise. On se refait pas, des refrains partent, ici c'est Dieu qui donne. C'est perdre son temps de vouloir ouvrir les yeux de tous ceux qui dorment. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la droite. J'ai une grande gueule devant mon père, je ne lève pas la voix. Il parle de tuer, mais crois-moi la mort, il n'aimerait pas la voir. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la droite. J'ai une grande gueule devant mon père, je ne lève pas la voix. Il parle de tuer, mais crois-moi la mort, il n'aimerait pas la voir. Je réponds présent quand la chronique m'appelle. Je fume du pilon parce que le shit m'apaise. Pense à mon ref alors je vide la tête. Pédophile dans le viseur, il faut que je vise la tête. Prod mélancolique, je vais kicker ça. Fais pas ta sainte ni touche, on sait tous que ton string est sale. En 16 mesures de ouf, ouais, je peux te fabriquer ça. Fuck les racistes, pour eux l'Afrique est sale. Je m'agrippe à des branches, mais toutes craquent. Heureusement, je fais pas partie de ceux qui dans le doute craquent. Défoncerai bien un schlac, il me sucerait bien pour un bout de crack. Genre du food truck, un couplet, je les rends toutes croques. Ouais, c'est la guerre des gangs, j'enfile ma paire de gants. Le rap, c'est une perte de temps. Moi, je m'en fous, je vais tirer dans le tas. Je suis dans l'air du temps, frérot, j'étais perdu quand. Je suis rentré dans la queue banc et j'ai mis les billets dans le sac. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la droite. J'ai une grande gueule devant mon père, je ne lève pas la voix. Il parle de tuer, mais crois-moi la mort, il n'aimerait pas la voir. Loin d'être parfait, c'est maladie, fois je suis trop maladroit. Je suis grave gentil, touche à ma mif et je tenais de la